Depuis le Moyen Âge, la cathédrale accueille rois, papes et grands événements. En 1163, la première pierre est posée par le pape Alexandre III en présence du roi Louis VII. Napoléon y est sacré empereur en 1804. Tandis qu'au XVe siècle, Henri VI d'Angleterre y revendique le trône. Saint-Louis y dépose en 1239 la précieuse couronne d'épines du Christ, symbole fort de la Passion. Des mariages royaux célèbres, comme celui de Marie Stuart et François II, s'y tiennent aussi. Transformée en temple de la raison durant la Révolution, elle reste un symbole vivant, notamment à la libération de Paris en 1944, quand ses cloches célèbrent la victoire. Jean-Paul II et Benoît XVI honorent ce lieu sacré au XXe siècle. Et en 2012, la cathédrale célèbre son 850e anniversaire, rappelant son rôle central dans l'histoire de Paris et de la France. Marcher sur les traces des grands de ce monde, dans un lieu chargé d'histoire et de légendes,